demande des fois comment j'en suis arrivé là. Assis par terre dans ma cave, un gars resserre mon bras. L'odeur du citron pressé, un briquet, une cuillère posée. J'ai jamais osé arrêter de manger la nausée. Et l'effet en est l'évaporation de toutes les amitiés que j'ai liées. Où est ma jeunesse, mes belles années? Autour de moi il n'y a que désolation, à l'image des poubelles qui m'entourent. J'ai des frissons ce matin comme d'habitude. J'ai acheté une peupon, il est bien loin le temps où je fumais que du chichon. Des fois je me dis purée, je veux faire comme mon frère, travailler, aller à la mosquée, faire mes prières. Un jour je vous jure purée, j'ai même failli le faire. Mais ces sales jaloux de toxico m'ont proposé une conso gratis d'héro, afin que je redevienne un moins que rien, un zéro. C'est dur à croire mais j'ai pas toujours été comme ça. C'est quoi? Avant j'avais du genre. Les gens ils me respectaient, les petits me t'avaient pas. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de sa vie. Mais c'est comme si personne ne l'avait compris. Demande des comptes à toi-même avant que ta vie ne soit finie. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Partout j'allais, j'avais des ennemis qui se disaient amis. J'étais le boss du vol l'arrêti, le change les boîtes, Rolex et Tacini. Scarface, Al Pacino, neuf mon quartier j'tenais en respect, les cailles râlaient plus folles. J'avais tout ce que je voulais, les femmes fallait qu'elles soient bonnes. Vivre autrement, pour moi c'était pas une vie. Être honnête au fond, qu'est-ce que cela signifie? Si tu ne crois pas à l'enfer, au paradis, j'avais choisi. Le crime devait me payer, donc c'est pour lui que j'ai commencé à travailler. Je me rappelle encore la première fois que j'y ai goûté. C'était un nouvel an qu'on était censé célébrer. Autrement, j'avais tout, regarde ce que je suis maintenant. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de sa vie. Mais c'est comme si personne ne l'avait compris. Demande des comptes à toi-même avant que ta vie ne soit finie. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait maintenant ce qu'il veut de sa vie. Terre, dans une cave de mon quartier, je suis seul. Je suis un manqué, il me faut un shoot. Je sors mon tosma, la cuillère, le briquet et la shooteuse. Je sors ma cam, c'est comme si le soleil se lève. La préparation finie, je cherche une veine. Je dirige la seringue vers la veine et je pique. L'héroïne se mélange à mon sang et c'est bon. Mais je se retourne, je ne sais pas ce qui se passe. D'un coup j'ai froid, les battements de mon corps accélèrent. J'étais en manque et j'ai un peu forcé la dose. L'espace d'un instant, j'ai peur de faire une overdose. Je transpire, allongé par terre, j'agonise. Je veux respirer, mais ma respiration est bloquée d'un coup. Je n'entends rien, je ne vois rien, je ne sens rien. Je sens venir la fin, maintenant la mort me tient. Je regrette beaucoup de choses que j'ai fait, j'avais tort. Car à présent je suis mort. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, de sa vie. Mais c'est comme si personne ne l'avait compris. Demande des comptes à toi-même avant que ta vie ne soit finie. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais c'est comme si personne ne l'avait compris. Demande des comptes à toi-même avant que ta vie ne soit finie. Notre monde c'était la rue, mais ses maîtres ont disparu. Chacun choisit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ce qu'il veut de sa vie.